Induma palzak, dozu izenek nome Kopuñan notaita, dozu izen balime Halba anietriki, zemame itxarre Iztame zizketxikti, bieldoro Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau. Et aujourd'hui, on a réussi, enfin Souris surtout a réussi, à vous écouter des sons qui nous viennent de Géorgie. Salut Souris! Salut Milky et salut tout le monde. Ouais, j'ai passé un sacré bout de temps à faire des recherches, je t'avoue, parce que c'est pas évident hein, de trouver Tu de m'étonnes. l'Asie qui vient de Géorgie, quoi, et en plus de l'Asie qui nous intéresse. Donc du coup, ouais. Mais bon, écoute, je m'en suis sortie. Il y a quand même du matériel là pour faire cette petite émission, et j'espère que voilà, vous allez apprécier. Ça doit être difficile de chercher sur Google avec un alphabet pareil. Oh putain, oui, non, puis alors, autant je maîtrise le cyrillique, tu vois, autant là, l'alphabet géorgien, c'est mort de chez mort, quoi. Ça n'a rien Ouais. à voir avec que dalle, et c'est... Ouais, je... C'est Non, tout rond. impossible. Hein? C'est tout rond, je dis. Oui, c'est vrai, c'est très... Le cyrillique, c'est tout droit, et là, le géorgien, c'est tout rond. C'est vrai, le cyrillique, c'est plein d'angles droits, là, et le truc, c'est Ouais. géométrique, quoi. Là, il n'y a pas un seul angle droit. Ah non, non, je crois pas un seul, en effet, c'est clair. Y a un C'est truc qui con. ressemble à un Y quand même, Oui, t'as des espèces là. de J extraterrestres aussi, Ouais. ou alors des M encore plus extraterrestres aussi, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, c'est clair. Mais bon, oui, voilà, quoi. Ouais. Donc forcément, oui, l'alphabet, ça a pas aidé les recherches, quoi, parce que, bah, ouais. Disons que ça a pas facilité les choses, quoi. Mais bon. Non, tu m'étonnes. En tout cas, on commence en 2004 à Tbilissi, la capitale. Ouais, avec un groupe qui s'appelle Vodka Ftrium. Alors donc par contre ça, la vodka, hein, ça reste. Il y a des points de commun quand même qui disparaissent pas. Alors tiens, je me Ouf. demande parce que curva quand même, c'est aussi le mot qui est utilisé dans pratiquement tous les pays de l'ex-bloc soviétique, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il existe en Géorgie, je t'avoue. Mais bon, écoute. On va vérifier. Ouais, voilà. Alors donc Vodka Ftrium, qui veut dire la vodka pour trois. Donc c'est un groupe comme tu as dit de Tbilissi. Les paroles, bah, elles sont généralement en langue géorgienne, mais apparemment il y a de temps en temps aussi en anglais et en russe, et souvent bah, sur des sujets comme la politique, l'alcool, la drogue, la guerre, le suicide, que des trucs super drôles. Des vrais punks, quoi. Bah bon, après vu l'histoire de la Géorgie aussi. Ah bah Bon, oui. voilà quoi, un pays qui a été souvent en guerre, qui est maintenant encore avec des zones occupées, et à mon avis, qui ne doit pas être très rassuré quant à la suite des événements. Tu Donc m'étonnes. voilà. Ouais, puis qui ont des voisins, pareil, également souvent en guerre, quoi. Bah, d'ailleurs, deux membres du groupe, Kesha et Borgir, qui sont des réfugiés d'Abkhazie, quoi, qui ont dû quitter bah, à cause de la guerre là-bas, du conflit ethnique de 92-93. Donc voilà, et ce qui fait que l'idéologie quand même principale du groupe, bah, c'est d'être antimilitariste, on les comprend bien, quoi. Voilà. Et bah du coup, j'ai trouvé deux titres que j'ai trouvé assez sympas. Donc c'est vive Google pour la traduction et la prononciation des caractères. Donc Sam Choblo qui veut dire patrie et Vemeki qui veut dire canon. Anokuno sam se kudi, sama gijer od kažufi Vijelim te ukra pants, viki ne bi dedi sak Arvo srda, arvo svena, bagrama su kali jedna Lekše bi mrsi kva duze, da že peki si aruze Rane mi čarta pa bolos, kleta u kidiva sam šablos Tu nika meki ne budi gizmos, čender voli je tamo Čender voli je tamo Zdravite turneši, kezo spaset iz hureši Kao isto arabi pankebi, da opet ga tankebi I se vrga zvan bitzebi, i se tam kargati bitzebi Prezidenti kovštari, še se pa misijeri Razne mi caru da pa sempre a vecchi, perché ogni guerra mi tacca, con i tanchi da mi tacca, sono con pila come si, cada mi sta descheleti, quella gianda, quella sua onda, mi sarebbe tutto del calzecchi. C'était Vodka Trium avec Sam Choblo et Vemeki. Ouf. ça va, tu t'en es sorti. Et maintenant, on va parler d'un groupe qui s'appelle Skaz. Ouais, alors du post-punk a priori de Kutaisi. Et qui a été formé en 2021, et j'ai pas trouvé plus d'infos. comme disait, franchement, j'ai fait ce que j'ai pu. Le titre, c'est Devari, et ça veut dire a priori, hein, parce que bon, c'est pareil. Alors là, je me fie complètement à Google, Ouais. Zéro au géorgien, donc voilà. Et donc, a priori, ça voudrait dire harceleur. C'était le groupe de post-punk Skaz avec le morceau Devari, qui veut dire harceleur. Et, ouf, on va poursuivre l'émission avec un groupe qui s'appelle Mona Shori, qui veut dire le chercheur. Ouais, en tout cas, c'est ce que Google nous dit, n'est-ce pas? Tout à fait. Aucune, j'ai rien réussi à trouver en info sur le groupe. En plus, avec un nom comme ça, bah forcément, tu cherches le chercheur. Enfin bon, bref, laisse tomber, c'est mort. Ça avait l'air d'être un peu un ovni perdu, du coup, mais j'ai quand même trouvé ça sympa. Alors je vous le mets, parce que pourquoi pas? Et Pourquoi le pas? titre, bah c'est ça, hein. Et le titre, c'est Velish Velas, qui voudrait dire J'attends de l'aide. Ah. Voilà. Et voilà pour Mona Chori avec Veli Shvelas. Et on va retourner maintenant à Tbilissi avec Minda da VTKHRI. Ouais, Voilà. c'est sympa, Ouais. hein? T'as une voyelle et elle est toute à la fin, et avant, c'est que de la consonne, quoi. C'est ça. En plus, j'ai trouvé deux orthographes à ce mot-là du nom de ce groupe. Donc, il y en a un, c'est celui-ci, VTKHRI, et l'autre, c'était VTXRI. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, en fait, c'est toujours aussi imprononçable, on est bien d'accord, quoi. C'est clair. Voilà, donc je pense que le groupe est de Tbilissi, mais franchement, je pourrais pas le garantir. Le premier morceau s'appelle Serenada numéro 2. Je ne sais pas comment on dit numéro en géorgien. Je suis désolée, excusez-moi, je n'ai pas recherché. Et alors, le deuxième titre, c'est un titre qui apparemment est bien rauque, en tout cas bien bizarre, bien humoristique, je pense. Alors, c'est Love Song. Et entre parenthèses, c'est écrit Ar Dindoda Rze Dakveli. Une fois que c'est mis évidemment dans notre alphabet à nous, n'est-ce pas? Et ça voudrait peut-être dire, vous ne vouliez pas du lait, du fromage. C'est, voilà. Putain. Je ne sais pas quelle est l'histoire derrière cette chanson, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez folklore, quoi. Ich bin das C'était Minda Dafkiri, avec qui veut dire je veux creuser, parce qu'on n'a pas dit que ça voulait dire je veux creuser. Oui, c'est vrai, parce qu'on était trop traumatisés par le nom imprononçable. C'est ça. Le premier morceau, c'était Senerada numéro 2, et ensuite, c'était Love Song. J'irai pas plus loin. Et Oh. Love Song avec entre parenthèses Arjidoda Rze Da Gveli. Ne Ah, quand même, voulez-vous t'as vu, tu l'as fait, hein. ouais. Ouais. Et on va finir l'émission avec Dendis Taoba, Bon, là, ça va encore, Génération t'as vu, Dandy. y a des voyelles, là, c'est bon. Bah, un peu, ça fait du bien. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, bah, pareil, malheureusement, j'ai pas trouvé d'infos sur le groupe, hein. C'est pas à défaut d'avoir cherché, mais bon, voilà. Et le titre, c'est Revolutia. Donc ça, on n'a pas besoin de traduire, je pense que tout le monde a Ça va. compris. Voilà. Et voilà donc pour Dendis Taoba avec Revolutia. C'est ainsi que se termine cette émission complètement exotique. Ah oui, c'est clair. Merci à toi, Souris, pour la préparation et la coordination de l'émission. Et ben, j'espère que mes efforts auront, voilà, ça aura plu à tout le monde. Voilà. Sans aucun doute. Allez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Restez à l'écoute car la voix de la Hoï ne s'éteint pas. Salut! Salut.